chaque mot est une lame. Ils viennent tous, mais un seul nom résonne. Rider's Kill, murmuré par les dunes, crié par les anciens, gravé par les coups. Ce n'est pas un combat, c'est un rythme. Le sang se mêle au sable, mais c'est la voix qui tranche. Qui fait trembler le désert, forge les cris en métal. Quand l'orage rugit, qui avance? Une armée, c'est un rite vivant.